Docteur Dejean des troupes coloniales, 69e bataillon sénégalais, secteur 167. Aux armées, le 11 avril 1917. Cher papa, chère maman, il ne faudra pas vous étonner de ne pas recevoir de mes lettres pendant quelque temps, car nous aurons peut-être ces jours-ci des communications brutes et difficiles avec l'arrière. Vous avez dû sans doute déjà vous apercevoir que mes lettres vous arrivaient avec beaucoup de retard. D'autant qu'il nous est souvent très difficile de trouver de l'encre, du papier et un abri propice pour écrire. On couche en plein air, roulé dans une couverture, exposé à la pluie et enfoncé dans la boue. Il fait aussi froid en ce moment ici qu'en plein hiver dans le sud. Il gèle toutes les nuits. Il nous est tombé plusieurs fois de la neige, mais heureusement, elle n'a pas persisté. Je me porte d'ailleurs divinement bien, et je crois que j'ai gagné 4 ou 5 kilos depuis que je couche tout habillé. Avez-vous reçu la caisse de céleri que je vous ai envoyée de Saint-Raphaël avec quelques objets dont je voulais me débarrasser? Car je n'ai droit à prendre avec moi qu'une cantine et le colis d'orange que je vous ai aussi adressé de là-bas. Je vous embrasse de tout cœur. Charles.